بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمدمجين أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبته ومن تبع أثره مرتفع. بك إن شاء الله نبدأ في بالمراجعة. تمام، أمس أخذنا أو قرأنا بقية الدرس الثاني، تمام، ثم دخلنا في الدرس الثالث، وكان من موضوع ذلك الدرس أن يوجد في الدرس ذكر النكرة والمعرفة. ما هو النكرة بالعربية؟ أوكي، شيء شائع في جنسه. يعني لو وقفت مثلا على ما دل على غير متعين يكفي، لكن شائع في جنسه يعني خطم تجبيع على الذي في نشو تقوم بميلة فوقها، يعني معنى ذلك يعني سادي في نفان نشوز جنة بيه خصيص قلت في النكرة نشوز عندي فيني سادي في نفان نشوز في بيه خصيص مثلا في دي ان بوتو سان بوتو طعم بيه خصيص سان بوتو بيه خصيص. يعني شائع في جنسه، يعني quand tu dis poteau, ça rentre dans tout le verre de poteau. C'est pas carré, c'est pas rond, c'est pas défini. Voilà. Ou à axe haut, son opposé, c'est comme un kiara. Al-ma'rifa. Mais où al-ma'rifa? Bil-arabia. Ou bil-français. Le hadd du français, c'est défini. L'axe. L'akara, ma lam yadul ala muta'il. والمعرفة ما دلنا على المعرفة، بس كي تفهم شوز كي بيان لكن خصيص. تمام، هنا بدي المعارف أنواع. تا plusieurs catégories يعني أو تا plusieurs manières تبعها هنا بدي. pour définir une chose dans l'arabe. تمام. on a vu plein de choses. enfin on a évoqué plein de choses. mais le sujet du cours c'est elle. allez voilà. ma niwa shokoh elle. ouais ouais. On avait dit. On a dit, on ne fait pas le fa, mais moi j'ai pas dit. Voilà une fois d'accord. Quand elle. On va chercher. Maintenant, comme on avait dit, min, al huruf hadhihi ani ma tu'arraf bi ash bi juziyatiha. Tu dis pas min le nom ou non. Wa kadhalika, maintenant, han, tu dis pas le ayn ou non. Kadhalika, il ne faut pas vous faire un farq entre cela et cela. Parce que là, on peut avoir. Il n'y a pas de farf. تمام؟ حروف حروف من هنا تجي عليها. تمام؟ لكن أحد سهل. لكن لما تنظر يعني بالدقة ترى أن الصحيح من قال أن قال آل هو صحيح. تمام؟ لا بد لا بس في كده الإسلام تبع صفات الإسلام صفات السنة في يوسع خلاف النحو يعني نحوي ما في شيء. تمام؟ أنا بدي دونك الآل تمام؟ إذا دخل على Est-ce que c'est tout elle qui rentre dans le ma'rifa, dans le nakira qui, comme on avait dit, c'est quelle elle? La définition de la définition de la ma'rifa, c'est le même elle. Il a dakhala. Alors, c'est le nahwa. Juste l'awwal, les gharina taqim bil arabiya. غيره لا إن شاء الله، لكن لما نتقدم نتقدم بس نبدأ به إن شاء الله حتى يلحق القوم إن شاء الله. الله يبارك فيك الله. أفادت وأفادته نكرة، ماذا هو؟ يعني المعرف بأل هو ما دخل أل على النكرة، فأفادته إيش؟ التعريف اليوم دوني ستاتيو دو ديفيني افاك اللي فيها مثل هنا فيديو فسي بوغ فار لا ديفيرونس فو كوا ال كي رون دون كوم مثلا كلمه يعني حسن الحسن انا بدي ال ال دون الحسن سي با لو ميم ال كا دون البيت باسكو ال ال دون الحسن لا با لا با ابورتي لا ستاتيو دو ديفيني باسكو ديجا ديفيني تمام باسكو ديفيني لا ديفيني شو با افادته افادته الف فا الف دل تا ها افادته افادته فين فائده افادته تمام فهذا هو لا ديفيرونس انتر لو دو سي صح une chose qui est définie même si elle rentre en être une chose définie avec ça ça rentre tamam كما بدي كذلك parmi les قاعده يعني qui était شائعه qui est beaucoup propagée chez les frères qui درس voilà que toute nakira ou tout ce qui se finit par un tanwin c'est nakira et tout ce qui se fait qui elle est rentre dedans c'est muharra tout cela c'est tout hein. Il y en a vu dans les trucs c'était le hukm le hukm de elle il a dakhala ala ash an ash la yunam yani il prend pas de tenue ma'azan l'exercice vous avez tous fait تمام إن شاء الله ندخل أو نواصل في الدرس. قال وفقه الله قال المؤلف وفقه الله نجم يعني بعد الكلمات الجديدة تمام بعد الكلمات الجديدة. ما هو القمر؟ سكون قمر. سكون الجديد. قديم. وسخون. نظيف ليس ليس وقحبة. ناس تفوز كيسون. نظيف. نظيف. حار بارد صغير مفتوح كبير مكسور ثقيل ثقيل خفيف جميل واقف واقف دبو جالس نجم قال المؤلف وفقه الله نجم النجم واقف واقف وقف خلق واقف خلق واقف واقف واقف تقول بس يوسف بس يوسف ثانية يعني تقول خلق واقف يعني خسلة خلق واقفا يعني خسر أبو شبه على كل حال نجم النجم رجل الرجل ديك الديك الطالب طالب الطالب يعني الآن الدرس اليوم يعني يتعلق بإيش بأل لكن هو يريد أن يقول لك الآل إذا دخل على النكرة فينبغي إيش يعني مراعاة بعض الحروف يعني تو دوبسيرفي سيغتان حروف فإذا كانت الحروف من الحروف القمرية تمام تسكن الأل للم يتبين بك ساكنة والذي بعدها إلى ما إلى يسمو إلى الحركة أما إذا كان يعني ما بعد ذلك من الحروف الشمسية وما لا يزور فليكو فليزور فنضحكة تمام يعني تجعل الضم تجعل مرحلة فيكم الشدة في الحرف الذي دخل فيه مراعاة مراعاة مراعاة مراعاة مراعاة المراعاة تمام درس اليوم تمام حول الحروف الشمسية والقمرية الدرس الثالث الحروف القمرية والحروف الشمسية. إذا دخل ال على الحروف القمرية إذا دخل ال على الحروف القمرية سكن لامها أي لام ال. مثاله القرآن. Regardez juste, comme ça j'ai. Je vais l'expliquer, comme ça je passe à votre truc. Il a dakhala al. Donc le al, lorsqu'il rentre dans les huruf, il y a les huruf al-qamariya. Qu'est-ce qui se passe? Yusakkan lamuha. C'est quoi l'am? Le lam de al. C'est-à-dire le lam ici là. Lorsque les deux ils rentrent dans un ism, ou al-harf, al-awwal c'est un harf, yani, qamari. Le lam ici là, il prend le sukun. Comme l'exemple il est El Qur'an. Voilà, yushaddadu El Harf El Harf Alladhi Dakhala Alayhi. Misaluhu El Qur'an. الآل وليشدد الحرف الذي دخل عليه يعني من دخل يعني الآل يعني هو إذا دخل آل يعني دا اسم كا وديبي حرف قمري كيس كيس باس يعني تبين سكون سكن لامها للم لامها يعني لامها لها يغوذي عن آل يعني لام آل للم دو آل يزبيع بك سكون سكنة لامها ولا يشدد ولا يشد الحرف الذي دخل عليه تجاك الحرف الألا دون الحرف كلا خنخي تلو مي با نشدد دوكا أولم Tu ne mets pas une chadda dans le harf dans lequel il est rentré, c'est-à-dire le qaf. Pour le prononcer. Voilà, tu ne mets pas. Tu ne mets pas une chadda. Ouais. Sur le qamariya, comme ça. Sur le qamariya, tu ne fais pas ça. Tu mets le L, tu mets la seconde, et le harf, la particule qui vient après le L, tu laisses tel quel. C'est-à-dire tu ne mets pas une chadda. Tu ne dis pas al-qamaru. Al-qamaru. Tu ne dis pas ça. Al-qamaru. Al-qamaru. Al-qamaru. دخل عليه أي دخل على الحرف تمام مثاله هو القرآن لا يقال القرآن واسكي حرف يعني حرف قمري لقف ال دخل عليه أخذ سكون اسكي فيان بخير ومن بنشد تمام دونك رشيت هنا وتشوف وإذا دخل Ni c'est quoi? Elle. Elle peut nous dormir, parce qu'on sait qu'on ne prend pas. Les Arabes, Al-Shay, Al-Adi, la Hajjatafi, les Dikrehi, elle est là, Yatanabi. Il l'a l'Itaqid. Une chose dont on n'a pas besoin, qui est Mahrouf, ne répète pas. Mathalan, on sait qu'on est en train de parler quoi là? Elle. Tu vois, je ne vais pas répéter là. Ida Dakhala, elle. Ou Ida Dakhala, elle. Là, on sait. Donc là, je vais dire directement Ida wa Ida Dakhala ala Huruf, je me dis. Al-Fa'il, Huna, Yani, la Yudkar. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. On sait de quoi on parle. Les Arabes, c'est ça. Une chose qui est la haja ta vie, il n'évoque pas. À partir du moment que. Bien connu. Wa idha dakhala ala al-huruf al-shamsiyya. Wa idha dakhala ala al-huruf al-shamsiyya. Hudifat sukun la muha. لالتقاء الساكنين وشدد الحرف الذي دخل عليه تمام مثاله الرسول تمام regardez je vous explique après vous l'écrivez شوف donc العكس si tu as compris le système avec الحروف القمرية عكس Inverse la règle avec le huruf shamsiya. C'est-à-dire, il a dakhala al-al, al-harf shani, al-harf shamsi. Ou le huruf shamsiya, ma'rouf, il faut les apprendre, tamam. Il a dakhala alayha, tamam. Qu'est-ce qui se passe? Hudifat السكون التي في اللام في ال dans al qamar al al qamar il y a un sukun sur lam amma quand c'est harf shamsi il y a pas t'enlèves la sukun qui est sur lam pourquoi parce que on va l'expliquer tout de suite non parce que là il va y avoir deux sukun qui vont suivre et les arabes ne font pas suivre de sukun la yaltaqi sakin la yaltaqi sakin tamam wa shuddida al harf alladhi dakhala alayhi là il est rentré dans un harf shamsi comme on a pris l'exemple ar rasul ar ra on a mis une shadda. Pourquoi c'est comme ça? Al Rasul Saqil. Afta? Falidal Kahum, hum yuhibbuna la khiffa fi lisan. Al Rasul Saqil jiddan. Comme elle, مثلاً, madri, je veux dire, tu peux pas dire, مثلاً, Abbayt. Saqil. Abbayt. Donc eux, les Arabes, khiffatu fi lisan, leur langue elle a été comme ça. Ensuite, eux, ils sont venus avec les qaïda, ils ont analysé, ils ont fait après, comment ça s'appelle, une règle par rapport à ça. Ils ont essayé d'expliquer la règle. Pourquoi certaines lettres, certains mots, ils commencent par un shadda lorsque l'ayah rentre. Pourquoi d'autres y a pas? Ils ont expliqué pourquoi. Parce qu'il y a huruf qamariya, huruf shamsiya, et l'akhirahi, tu vois. Donc le truc, c'est quoi? Lorsque c'est huruf shamsiya, pourquoi en fait on n'a pas mis de alif, de sukun sur l'âme, hein? Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le savoir, un shadda, c'est quoi? C'est ibara an, justement, harfein. Lorsque tu mets une shadda sur une lettre, c'est comme si tu doublais la lettre. Ah ouais. T'as un ra ici, c'est comme si on disait comme ça. À l'écrit, ça serait ça. Alif, ra, un autre ra, un autre ra, ensuite sin. Tu vois? Astar, ça serait ça. Tu vois? Le truc en arabe, ce qui est ça, ribara un shadda, c'est deux lettres. Quand tu mets une shadda sur une lettre, c'est comme si tu as doublé. Ar, rasoul, il y en a deux. Sur deux sukun, ils enlèvent un sukun. Ouais, obligé. Non, parce que le truc c'est quoi là? Pourquoi? Là on enlevait la. Non, on cherche à comprendre pourquoi là. La sukun qui est présente dans Al-Qamar, dans le Huruf Al-Qamariya, pourquoi elle a sauté ici? Pourquoi elle a été supprimée? Parce qu'au fait, yani, Al-Huruf Shamsiya, la khifa, yani, elles sont légères. Donc elles sont obligées d'être doublées lorsque tu rentres le L. Mais le problème, dès qu'ils ont doublé cette lettre là, ils ont vu qu'il y avait un problème. Parce que le L, il y a une sukun. Et la shadda, c'est ibara ash an harfein. Awaluha, le premier, il y a une sukun, le deuxième, mutharrik, il y a une haraka. Comme c'est le cas ici, ar-rasul. Le ra, le premier, il y a une sukun, le deuxième, il y a une haraka. Mais le problème, disent nous, dans l'arabe, la yaltaqi sakinin. On ne peut pas faire suivre deux sukun. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé celle-là. Ah ouais. Pourquoi ils ont supprimé celle-là? C'est-à-dire celle qui est sur le. Non, tu ne prends pas. R. Ah ouais, directement. Ouais, tu ne dis pas L, R. L, R. C'est pas possible. Hatta. Non. Ils ont supprimé celle-là, on a dit. Pourquoi ils ont supprimé celle-ci? Ils n'ont pas supprimé celle-là. Pour la langue. Non, parce qu'au fait, le truc, la base, comme on a dit, eux, lorsque L, ils rentrent dans le huruf shamsia, il faut qu'il y ait un khifa. Donc ils sont venus avec la chaîne dedans, pour faire rouler la chose pour. Pouvoir la prononcer, tamam. Si jamais maintenant on venait à laisser la sukun sur le lam et enlever la sukun qui est dans la shadda, tu peux plus ramener la shadda. C'est-à-dire c'est comme si jamais t'enlevais le harf. Et la base, nous on est venu pourquoi? C'est-à-dire qu'on retourne sur ce qu'on était. El Rasoul. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit donc il faut supprimer celle-ci, hein, et conserver celle-là. Et Inch'Allah, on peut la prononcer comme ce doit. Ils sont venus expliquer comme ça. C'est mieux quand c'est mieux écrit. Hein? Parce qu'après, il n'y a pas les harakats. Ouais, il n'y a pas les harakats. Mais eux sont venus, ils ont expliqué. Ah, ouais. Juste, ils expliquent, tu vois. Sinon, les Arabes, avant, Al-Rasoul, ils ne sont pas dit pourquoi on dit Al-Rasoul, on ne dit pas El-Rasoul. La khifa. C'est comme ça, tabi'atan, yani, de nature. Ils ont prononcé comme ça, quand même. Eux sont venus, ils ont essayé d'expliquer pour ceux qui ne comprenaient pas d'arabe. Tu vois? Donc, c'est ça le truc, tu vois. Pourquoi elle a été Hudefat? L'Iftiqa Sakini. ولماذا يعني حذفنا السكون الاول بقى انا انفي لا بروميير سكون اي با لا دوزيام باسكو لا دوزيام اون اي فينو يعني لي اجلي اون اي فينو دون لو بوت دو pouvoir prononcer le mot comme ça doit si on enlève on peut plus prononcer le mot c'est pour ça qu'ils ont enlevé la première pour pouvoir continuer de prononcer le mot comme ça doit donc ça revient à ça après يعني ça fait نعم سكون ici celle-là elle a été supprimée تمام et في الرسم à l'écrit tu mets pas deux R donc ils ont mis une chatte dans la place تمام donc après ça s'est fini comme ça الرسم avec une chadda ici, et là, El Ar-Rasul. Même temps. Oktobou. Elle n'est pas supprimée. Elle a été supprimée. Donc, Iza dakhala ala al-huruf, yani Iza dakhala al, ala al-huruf, dans les lettres shamsiya, hudifat, yani sukun lamiha. La sukun du lam, elle devient, comment ça s'appelle, supprimée. Tamam? L'ittiqa, pourquoi? L'ittiqa sakinen. Pour quelle raison? Parce que deux sukun se sont rencontrés. Tamam? Wa shuddid al-harf alladhi dakhala alayhi. Ensuite, ils ont mis une shadda sur le harf alladhi dakhala alayhi. On va faire en deux parties le 4. C'est bien. Sinon, ça va s'appeler alaykoum. On va faire une partie du 4. On va faire le premier, là. Ça, Inch'Allah, on va laisser pour demain. On y va? On continue? C'est bon? Al-huruf al-qamariyatu ou al-huruf al-shamsiyatu. Al-huruf al-qamariya. Il y en a, ils sont combien? Au nombre de 14. On va plus voir. Ou al-huruf al-shamsiya, 14, 14, 14, comme c'est écrit là. Hein? Donc le premier, c'est quoi? Al-alif. Al-ab. Tu dis pas? C'est même possible de dire. Attends, ab. Ab. C'est pas possible, tu vois. Tu peux pas mettre une chaîne d'asr là. La hamza. Donc, mais al-huruf, al-qamariya. Al-bab, kazalika. Tu dis pas ab-bab. Al-jannah. Tu dis pas al-jannah directement. Donc, qu'est-ce que t'as quoi? C'est même? Al-himaru. Al-kha. الخبز العين العين الغ الغداء vous comprenez tout le vocabulaire là jusqu'ici? Je vais répéter. Donc al-ab le père, ba al-ba tam al-bab la porte, al-jim al-jannatu le jannah en le paradis, al-ha al-himar lan, al-kha al-khubz le pain, al-ayn al-ayn tam lay, al-ghayn al-ghada le déjeuner. C'est pas petit déjeuner. Fa, la femme, la bouche. Qaf, le qamar. Al kaf, le kalbu, le chien. Al mim, al ma'u, l'eau. Al waw, al waladu, qui est l'enfant. Al ha, al hawa, c'est le vent. Al hawa, ou c'est la passion. Non, c'est le vent celui-là. On a écrit comme ça, l'atmosphère. La classe comme ça. Al hawa, sahab al hawa, ça a qu'un alif maksour. C'est pas sahab al hawa'i. صاحب الهواء يبا اما هنا ينفتح ين همزه بعده تمام دونك الفرق بينهما سي الهمزه كي بعده كما تشوف الفرق entre الهواء pour dire l'atmosphère ou الهواء tu dis la passion tu as le sujet de passion l'atmosphère c'est avec une fat une hamza à la fin اما l'autre يبا تمام الياء اليد لما تمام tu dis pas يد tu dis pas تمام الحروف الشمسيه donc 14 pour apprendre ces 14 lettres c'est simple. Atta, yani yesh, attajir, le commerçant. Atta, al-thob. Remarquez, on ne dit pas al-thob. Al-thob, le vêtement. Al-dik, le coq. Al-dal. Al-zab, al-zal, plutôt. Al-thob, c'est le vêtement, tu dis. Ah, al-thob, c'est le vêtement. J'appelle ici le kamis. Quand il dit thob, il parle de le kamis. Souvent. En lahja. Mais tu peux le dire aussi pour tout. Ah, c'est un thob. Mais quand il dit thob, il parle de ça. Le kamis. Et le kamis, il utilise pourquoi la chemise? نعم دونك نتا ذل الذهب يعني لا الرا الرجل لم الزي الزهره لا فلور لا روز زهره الزهره لا لا روز ورده لا فلور الزهره سي لا فلور الزهره سي لا فلور والورده سي لا روز السين السمك لو بوسون شين الشمس والسلين الصاد الصدر لا بوتخين الضاد الضيف لانفيتي الطاء الطالب ليلا لتيديون الضاء الظهر ابا كونفرون افيك الظهر الظهر سي الدو والظهر سي صلاة الظهر صلاة الظهر تمام با كونفرون الظهر سي الدو والظهر سابخيا تمام اللام اللحم ولا فيونت النون النجم. Donc il faut les apprendre par cœur. Quand tu médites bien sur les huruf, tu vois que ces huruf là, surtout le qamariya, c'est impossible que tu ramènes une shadda avec. Si tu veux débuter un mot. C'est lourd. C'est lourd, tu peux pas. Al-ab. Essaye de mettre une shadda sur la hamza. C'est pas possible. Al-bab. Bab. Bab. Al-bab. C'est pas possible, tu vois. Ça passe pas. Et de nature comme ça, tu peux même pas les. Tu vois. Mais il faut les apprendre. C'est bien. Donc là, il nous dit, c'est un exercice, tamarin, il dit quoi ? Ikhtar kalimatan min al-qa'ima bi tanasub al-kalimati allati fi al-qa'ima. Fait avec les s'écrit alif juste après la harf al-qamariya. Ouais. Il dit ikhtar, choisis kalimatan min al-qa'ima. Choisis une lettre ou un mot parmi dans la liste, tamam ? Bi tanasub al-kalimati allati fi al-qa'ima. Tout en rapportant le sens qui est approprié au mot qui se trouve dans l'autre colonne. Tamam. Donc il faut faire des flèches. Mais nous, Inch'Allah, qu'est-ce que vous allez réécrire ça? Et ensuite, vous faites des flèches. Tamam. Tu choisis Ikhtar. Regardez, dans le rapport au vocabulaire, At-Talib, ma'rouf, c'est quoi At-Talib? Ad-Dukkan. Le commerce. Le commerce, le magasin. Tamam. Commerce, c'est plus Madjar. Madjarun. Madjarun. Ad-Dukkan, c'est plus la boutique. Ad-Tuffah. La pomme. Al-Ma, ma'rouf. Al-Hajar, ma'rouf. Al-Qalam, ma'rouf. Lazizun. Délicieux. Quelque chose qui est délicieux. Maksourun. Cassé, ma'rouf. Thaqilun, maftouhun. Maridun. Malade. Harun, ma'rouf. Al-Kalimatul Jadida. Hulwun. Bon ou sucré. Hul. Ici, tu le vois, ils disent beaucoup, c'est hul. Hul, en gros, c'est bien. Non, mais ici, hul. Ils vont dire hul. Ah, c'est hul. En gros, c'est tayyib. Il dit c'est tayyib, c'est jamil. Non, non, pour toute chose. Ici, c'est dit pour toute chose. Mais ça, tu vas aller dire, j'ai fait katakata, j'ai hul. Il est jayyid, en gros, machallah. Délicieux, mais ça se dit pas. Mais c'est dans le sens où c'est. Andahawam. Tu vois? Ah, hulou. Ils ont mis une dhamma. Des fois, quand il faut mettre la dhamma, il est même pas. Ah, c'est dur. Tu vois? Donc, hulwun, c'est sucré. Son contraire, c'est mur, amer. Tu vois? طويل long. مريض malade. فقير الدكان la boutique. Le magasin. قصير غني وتفاح. قال وفقه الله الدرس الرابع. تمام. الدرس الرابع. ألف. Donc le cours va se composer en deux parties. ألف. البيت في البيت la maison dans la maison. المسجد في المسجد. تمام. المكتب على المكتب. Le bureau sur le bureau. السرير على السرير. Le lit sur le lit. Donc là il veut nous faire part d'une règle dans la grammaire, ça s'appelle الحروف الجر. حروف الجر. ليس كلها, il a ramené quelques حروف. في على. يعني في c'est ظرفية, que ce soit pour le مكان ou que ce soit le زمان. تمام. مثلا تقول أتيت في الساعة الرابعة. Je suis venu à la quatrième heure. Ils appellent comme ça. أتيت في الساعة الثمانية. Je suis venu à 8 heures. Darfia, c'est le circonstanciel, je sais comment on dit, dedans. Dedans. Mais c'est pas seulement ça. Non, ça peut être d'autres ma'an. Mais celui qui est utilisé, on va l'écrire de façon. Celui qui est beaucoup utilisé, c'est quoi? Pour Darfia. Quand tu utilises fi, c'est plutôt pour Darfia. Que ce soit, yani, comme on appelle circonstance de lieu ou de temps. C'est-à-dire, fi le masjid, là, c'est quoi? C'est un lieu. Tu peux utiliser pour le temps. Fi sa'at al-rabi'a, yani ad-dars, ou ad-dars fi sa'at al-rabi'a. Le cours, elle aura lieu à 4 heures ou à 4 heures. Tamam. Là, c'est pas un temps, c'est pas un lieu, mais là, c'est un temps. Ça s'appelle le waqt ou le lakan. Tamam. Pour que tu te rappelles. En gros, fi, ça peut rentrer dans l'amkina, ou ça peut rentrer dans le waqt. Tamam. Wa ala, kadalika lahu ma'ani. Katir. Tamam. Mais celui qui est beaucoup plus utilisé, c'est quoi? Al-isti'ala. Yani, le fait de faire passer une chose au-dessus. Tamam. Quand tu dis, matalan, yani, wada'atul jawal ala al-kitab. Yani, isti'ala, il s'est élevé pour se mettre au-dessus de lui. Yani, isti'ala, c'est le sens de au-dessus. Tamam. Il a plusieurs mahani, lakin, aksar al-mahani qui est utilisé, le sens qui est beaucoup plus utilisé pour ala, c'est quoi? Al-isti'ala, yani le fait de mettre une chose au-dessus. Donc on va écrire ça, c'est vite fait, inshallah. Tamam. Donc, ad-dars al-rabi'a. Comment? Fi et ala. Ça, c'est le mahani. Là, on a expliqué les mahani, tamam? Après, on va expliquer l'ahkam. De ces hurouf, lorsqu'ils rentrent dans les asma. Ah voilà, il y a des badalons. مثلا قول سبحانه وتعالى في جذوع النخل ولو صلبنكم في جذوع النخل. et je vais vous crucifier dans le tronc de l'arbre. Il a dit si. S'il ne va pas le crucifier dedans, il ne va pas ouvrir là le tronc, ensuite il va le refermer, il va le crucifier à l'intérieur. Toi. Non. Parce que fi bimarna ala. Après, il faut savoir que. Tu peux tous les remplacer en fait. Le truc aussi, wallahu alam, lorsqu'ils sont utilisés comme ça, c'est bizdiyadatil ma'na. Wallahu alam, c'est pour en gros dire je vais rentrer dans l'arbre bien comme il faut. Ah, ouais. Tu vois, pour te crucifier, tu ne vas pas bouger. Tu vois. Mais c'est sur l'arbre. Tu vois, voilà. Ça va sur l'arbre, il sera sur l'arbre. Ouais. Tu vois, bimarna hakata, tu vois. Parce que lorsqu'il est mathalan yatabadalun, lorsque le sens il est, ou bien fi, il a un sens qui est propre. Ou plutôt, il y en a qui est beaucoup plus utilisé. Lorsqu'il est utilisé dans un autre sens, il ramène son sens à lui, avec l'autre sens à l'autre. Tu vois, pour vraiment appuyer là, tu vois. Voilà, soit les ben n'a comme fi juzou et une nakhl. Tamam. Addar sarrabia. Tamam. Ça, c'est la leçon. Tamam. Dans ces huruf là, il nous a fait part. Le fil. On va commencer plutôt par le hukm. Comme ça, c'est un. Hukm. Huruf al-jar. Et tu peux dire aussi. Hein? Tu as le choix entre huruf al-jar ou huruf al-khaf. Tu peux les appeler comme ça, tu peux les appeler comme ça. Il y en a une, c'est connu pour l'école. De Koufa, elle aussi est connue pour l'école de Basra. J'ai oublié, c'est qui appelle comme ça, comme ça. Tu peux utiliser les deux. Al-Khafd, Huruf al-Jar, tu peux aussi les appeler Huruf al-Khafd. Tu as deux appellations. Une appellation, c'est Al-Basriya, de l'école de Basra, et l'autre, Ali, de l'école de Koufa. Je crois que c'est Koufa al-Jar, ou Al-Basra, c'est Khafd. Ils appellent ça comme ça. Mais les deux, c'est la même. Hein? Tu peux les appeler Harf al-Khafd, tu peux l'appeler comme ça, tu peux l'appeler comme ça. Non, c'est deux appellations. Comme certains, ils ont deux prénoms. Moi, j'ai aussi il y a deux prénoms. Parce qu'il y avait deux écoles. Il y a deux écoles, la grande arabe. En Irak. Basra ou Akoufa. Basra, lorsqu'il veut utiliser ces hurufs-là, la fi, ba et tout ça, ils appellent ça, je vois l'anem, harf al-jar. C'est pas l'inverse. Oubliez, c'est qui dit quoi. El Koufa, ils disent une chose. Harf al-khafd. Les deux, c'est la même chose. C'est quoi son hukm? Awalan annaha la tadkhulu illa ala al-asma la ghayr. Premier hukm, c'est que ces choses-là, ces huruf, ils rentrent que dans l'asma. Tu ne peux pas le rentrer dans la harf, tu ne peux pas dire fi, bi. Tamam. Il rentre dans les asma, que dans les asma. Tamam. Au deuxième hukm, taja'al, yani, hadi al-huruf, taja'alu, akhir al-kalimati allati dakhalat alayha majrura. Donc, c'est-à-dire que elle va rendre la terminaison du mot dans lequel elle est rentrée, c'est-à-dire le nom dans lequel elle est rentrée, yani majrura. ايش معنى majrura? Yani, c'est-à-dire bikasra ou kasratayn. À l'asma, il rentre. Magnifique. Les huruf al-jar, faut les apprendre, quand même. Majrura, c'est-à-dire avec. Mais ça, le mot, comment on a pu le voir? Avant, la leçon, avant qu'on ait vu les huruf al-jar, on disait al-baytu. Baytun. Al-an, avec ce huruf, comme on va le voir, comme c'est le cas de fi et de an, lorsqu'elle rentre dans le mot, la fin, ce sera plus un, ou bien ou. Tu ne diras pas fil baytu. Ou tu ne diras pas ni fi baytun. Majrura. Tout bien. On va voir les deux derniers trucs. C'est fi. Qu'est-ce que ça veut dire fi? Tout bien. Fi, c'est quoi? Harfu. Jarin. Nidzarfiyya. Donc fi, c'est quoi ma'ana fi? حرف جر للظرفية. ظرفية c'est يعني ce qui englobe la chose, que ce soit dans le lieu ou le temps. Le temps, le lieu ou le temps. يعني pour désigner, c'est مثلا tu vas dire البيت. إلو البيت ou مثلا tu vas dire إلو فلان في البيت. في البيت. Quand tu veux désigner l'endroit où il est, tu dois utiliser ce حرف là pour désigner l'endroit. Ou désigner l'heure. À quelle heure va venir في ما بعد. Et l'autre, l'istia'la. L'istia'la, c'est quoi? Il y a une chose qui va gagner, ça vient de l'ulou. A'la. A'in, lam, elia. A'la, c'est pour dire au-dessus. L'istia'la, se mettre au-dessus. Après avoir vu le chukm, on voit la définition de ces deux harfs. De ces deux harfs. Quel harf comme ça qu'on va faire comme ça? Et l'autre, on va le laisser. Le 57. Donc, c'est ça le cours d'aujourd'hui. Donc, on a pu voir le huruf al-qamariya, ou le huruf al-shamsiya, et quelques huruf lil-jar. Donc, faites attention. Donc, lorsqu'il se finit, lorsque tu rentres haf al-jar, la fin, elle doit être. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et la suite, on fera après, parce que sinon, ça va rentrer. Il y a Aïna, après, il y a Roua, il y a Hiya, tu vois, ça va faire un peu l'ours. Ensuite, c'est, mashallah, la leçon 4. Allah ouvert. Allez, riche. Allez, riche en Fawain. Oh, il y a mine. Non, mine. Non, il y a mine. On n'a pas vu mine. Il y a Anna. T'es même. Il commence par les verbes. Ça, c'est bien aussi, les verbes. Pour parler, c'est bien. D'apprendre les verbes. La conjugaison, je veux dire. Le vocabulaire, mettez-le, moi je vous conseille, hein. Faites un cahier vocabulaire. Ah, c'est un cahier. Ou un bloc-notes, pareil, non? Comme tu veux. Ah, mon chien, c'est dans la tête. Si tu l'apprends pas, et après, je vous l'écris. Dès le début. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais ça, c'est une méthode qu'il faut mettre. Non, c'est que tu connais ça. Bah, le vocabulaire que vous connaissez pas, mettez-le direct sur le côté. Là, vous. Pour ça, tu le rajah. Et nous, Inch'Allah, on va procéder à des contrôles. Hein. C'est-à-dire contrôle. Interrogation. Non, pas surprise. Et ça se règle. On va laisser maintenant, il y a combien de roches là-dedans? Celui qui a la 23. Protégé. Donc il y en a tous les 8 leçons. Contrôle. Toutes les 8 leçons. Ouais. Mon Dieu. Subhanahu wa ta'ala. مع تحية دماج.fr.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.